Exercice 1, page 71. A. Meurt, mort. B. Sol, seul. C. Leur, leurre. D. Rome, rome. E. Bord, beurre. F. Dors, dors.